بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة لهذا الدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام Bienvenue au Mifkar pour ce cours dans l'explication du chapitre lié à la prière tiré du livre عمدة الأحكام وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله باب سجود السهو. Nous sommes parvenus à la parole de l'auteur رحمه الله lorsqu'il nous dit le sous-chapitre lié à la prosternation de la distraction. Non, c'est bon. Le sous-chapitre lié à la prosternation de la distraction. والمراد بسجود السهو ركعتان أو عفوا سجدتان في آخر الصلاة جبرا لزيادة أو نقصان أو شك في الصلاة. Ce qui est voulu par la prosternation de la distraction, ce sont deux prosternations qui sont faites à la fin de la prière pour réparer un rajout ou alors un oubli ou un doute durant la prière. فسجود السهو له ثلاثة أسباب. Et donc la prosternation de la distraction a trois causes. الزيادة, le rajout. النقصان, la diminution de la prière. Ou الشك. والسجود للسهو واجب إن كان في ترك ركن أو واجب أو فعل محظور. Et la prosternation liée à la distraction, elle est obligatoire. Elle est obligatoire lorsque la personne a oublié un pilier de la prière, ou alors une obligation, ou alors que la personne a accompli un acte interdit durant la prière. Et cela nous amène à un point très important. Car avant de rentrer dans ce sujet, la prosternation de la distraction, il y a un point qui est important. هو أن كثيرا من المسلمين لا يفرقون بين شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ومستحباتها. Ce point important, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de musulmans ne font pas la distinction entre les conditions de la prière, les piliers de la prière, les obligations de la prière et les actes recommandés durant la prière. وَهَذَا الْبَابُ بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ لَا يُمْكِنُ ضَبْتُهُ ضَبْتًا جَيِّدًا دُونَ فَهْمِ هَذِهِ الْأُمُورِ. Et or, ce sujet, le sujet lié à la prosternation de la distraction, on ne peut pas le comprendre correctement, on ne peut pas le maîtriser correctement, tant qu'on n'a pas bien compris ces points-là, c'est-à-dire les obligations, les piliers, les conditions, etc. Pourquoi ? Parce que si tu oublies un pilier, dans la prière, ce n'est pas comme quand tu oublies une obligation. Et ce n'est pas comme quand tu oublies un acte recommandé. Et ce n'est pas comme quand tu oublies une condition. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire si tu oublies une condition ? Qu'est-ce que tu vas faire si tu oublies un pilier ? Qu'est-ce que tu vas faire si tu oublies une obligation ? Et qu'est-ce que tu vas faire si tu oublies un acte surrogatoire ? إذن اليوم قبل أن ندخل في هذا الباب اليوم سنراجع مراجعة سريعة ما هي الشروط والأركان والواجبات. Et donc aujourd'hui, avant de rentrer dans ce sujet, on va réviser rapidement, inshallah ta'ala, quelles sont les conditions de la prière, ainsi que les piliers, les obligations. Mais aujourd'hui, je pense que c'est vous qui allez plus parler que moi. اليوم الكلام إليكم إن شاء الله تعالى. طيب فنبدأ بالشرط. فالشرط شرعا. Avant d'énumérer les conditions, avant, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'une condition. Mais où est le shart ? Le shart, shar'an, ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود لذاته. La condition, c'est ce dont son absence, ce dont son absence implique l'invalidité. L'absence de la condition implique l'invalidité. Mais sa présence ne va pas forcément impliquer la validité de l'acte. Exemple. Parmi les conditions de la prière, qu'est-ce qu'on a comme condition parmi les conditions de la prière ? Mahiya aw uridu minkum shartan wahida min shurut as-salat. Hein ? Al-wudu, at-tahara, tayyib. Et donc, on a dit la condition, c'est ce dont son absence implique l'invalidité. Adamuhu yalzamu al-adam. C'est-à-dire, si tu n'as pas tes ablutions, à coup sûr, ta salat n'est pas correcte. In lam takun ala tahara, fa salatuka la tasih. Et donc, son absence implique l'invalidité. Sa présence n'implique pas forcément la validité. Ça veut dire quoi ça ? On prend l'exemple avec El Wudu. Sa présence n'implique pas forcément la validité de l'acte. Tu as fait tes ablutions. Tawadda'ta, wadakhalta, wasallayta al-dhuhr, Allahu Akbar, sallayta al-dhuhr arba'an, thumma kharajta min as-salat, fa'idha bi akhik Yasin ya'tik wa yaqul lak, madha taf'al? Qult ana usalli al-dhuhr. قال ليس بعد الظهر بعد ساعتين الصلاة صحيحة أو لا ليست صحيحة ما أنك كنت متودئا فوجود هذا الشرط لا يلزم صحة الصلاة بل لابد من اجتماع الشروط. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit que la présence de cette condition ne va pas forcément impliquer la validité de l'acte? Tu fais tes ablutions, tu vas, tu pries dhuhr, 4 unités de prière. Tu as prié dhuhr. Et ensuite, tu as ton frère Yassine qui arrive. Et il te dit, qu'est-ce que tu fais, akhi ? Tu dis, je prie dhuhr. Il te dit, non, dhuhr, c'est pas encore, c'est dans 2 heures dhuhr. C'est dans 2 heures. Et donc ici, ta prière, elle n'est pas valable. Pourtant, tu as fait tes ablutions. Et donc, la présence de cette condition ne va pas forcément impliquer la validité de l'acte. Par contre, l'absence de cette condition implique l'invalidité de l'acte. هذا هو الشرط. طيب ما هي شروط الصلاة? Et donc, quelles sont les conditions de la prière? On a déjà cité donc الطهارة. الإسلام والعقل والتمييز. الصلاة لا تقبل من كافر. Et donc, premièrement, الإسلام. Al-Islam, la prière n'est pas acceptée d'un incroyant. Sa prière n'est pas acceptée. Je me rappelle justement, je l'ai cité pour quand on était en Martinique, il y a un chrétien, il est venu, il voulait prier Tarawih avec nous. Il voulait prier Tarawih avec nous. Non, même pas, excusez-moi. Il voulait faire la prière, mais il ne savait pas que c'était Tarawih. Et donc il pensait que ça allait durer quelques minutes. Tarawih, il est resté avec nous 1 heure. 1 heure, il est resté avec nous. À la fin, il m'a dit, c'était long. Je lui ai dit, c'est normal, t'es venu pour Tarawih. Ah, c'était long. J'ai dit, khair, inshallah. Peut-être que par la suite, tu vas revenir, etc. Et donc, c'est pas parce que sa prière n'est pas acceptée que ça veut dire que toi, tu ne dois pas l'encourager. Encourage-le, motive-le, jusqu'à ce qu'il se convertisse, inshallah. Mais ne viens pas lui dire, là, salat ou quoi, la tasir, là, tout sali. Lui dis pas non, ta prière n'est pas valable, ne prie pas. Non, laisse-le. Il veut profiter, laisse-le. Inch'Allah, peut-être ça sera une cause de conversion par la suite. Et donc, première condition, l'islam. Ensuite, l'aql, la raison. La raison. Celui qui a perdu la raison, sa prière n'est pas valable. Car il ne sait pas ce qu'il fait. Troisième condition, l'tamiz. Mel murad bit-tamiz. Qu'est-ce qui est voulu par l'tamiz, le discernement? En général, les savants, ils le citent par rapport à l'boulour. C'est-à-dire le fait que la personne a atteint l'âge de puberté, de responsabilité. Il est responsable maintenant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit Mouru awladakum bis salati li sab'a wadribuhum 'alayha li 'ashar. Et donc là, on enseigne aux enfants la prière. Mais cependant, c'est à quel moment que ça devient obligatoire pour eux? C'est lorsqu'ils atteignent la puberté. Tayyib. Mais est-ce que c'est une condition de validité? Est-ce que ça veut dire que si l'enfant, il n'est pas pubère, il vient à 6 ans, il prie, il connaît le Fatiha, il connaît tout l'arkan, tout, il vient à Allahu Akbar, il fait toute la prière avec nous. Sa prière, elle est valable ou pas? Non. Non. Pourquoi? Parce que « hala shart » Laisa shartan lis-sihha huwa shart al-wujub. C'est pas une condition de validité, c'est une condition d'obligation. C'est-à-dire que la prière lui est obligatoire à partir du moment où il a rempli cette condition-là. Il est pubère. Et donc l'islam, l'aql, le boulough, et ensuite istiqbal al-qibla, at-tahara, on a cité. Ça fait 5. Il en manque. An-niyya. J'ai entendu quelque chose. Takbiratul ihram. Chart ou pas chart? Chart? Non, c'est pas chart. J'ai entendu chart, j'ai entendu rukn. Takbiratul ihram, le fait de dire Allahu Akbar. Chart ou rukn? Chart, il faut qu'il reste pendant tout le temps de l'adoration. Le chart, la condition, elle commence avant même que tu commences ta prière. Et elle reste pendant toute la prière. La condition est shartu kha amrun kharijun lis salat. C'est quelque chose qui est à l'extérieur de la prière. Il ne fait pas partie des actes de la prière. Mais par contre, il va persister avec toi pendant toute la prière. Et donc, takbiratul ihram, ça va faire partie des piliers. Takbiratul ihram, ça va faire partie des piliers. Et donc, on a l'islam, l'aql, l'tamyiz. On a l'tahara. L'tahara, c'est-à-dire les ablutions. Taïb, est-ce que je peux prier sur un endroit sale? Non, je ne peux pas. Avec des vêtements sales? Non, je ne peux pas. Et donc, on fait la différence entre l'tahara, la purification, c'est-à-dire le fait que la personne ait ses ablutions, elle soit en état de pureté, et aussi le fait de prier dans un lieu propre avec des vêtements propres. Ça aussi, c'est une condition. Et donc, Zawel, Al-Najasa, Al-Islam, Al-Aql, la raison, Al-Tamiz. Ensuite, on a Al-Tahara, la purification du corps. On a Zawel Al-Najasa, ici le fait d'enlever toute impureté, ça nous fait 5. Ensuite, Istiqbal Al-Qibla, ça nous fait 6. Al-Niyya, ça nous fait 7. Il faut pas que ces conditions soient rompues pendant le nom. Non. Non, non. J'ai dit aujourd'hui, c'est vous qui parlez, c'est pas moi. Ça fait 13 minutes. Je souffle ou je souffle pas? Hein? Ruknun. C'est à l'extérieur de la prière, les conditions. Et j'ai cité un exemple tout à l'heure. Il est venu, il a prié Dhuhr. Ensuite, Yassine est venu, Yassine lui a dit Yahri. Dhuhr al-Waqt. Le temps. Le temps. Et donc, il est impératif que tu aies rassemblé toutes les conditions de la prière. Et après ça, on passe au... Ah non. On a fait combien là pour l'instant? 8. 8. Il reste une dernière. On a déjà dit le Qibla. Est-ce que quelqu'un peut venir prier en short? Il y a juste un short comme ça. Satr al-Awra. Et donc le fait de cacher les parties qui doivent être cachées durant la prière. Ensuite, nous avons donc l'arkan. Arkan ou salat. Les piliers de la prière. Wal arkanu la tasqutu bihal. Les piliers, l'obligation d'accomplir les piliers ne tombe pas. Il est obligatoire que tu accomplisses tes piliers. Il est obligatoire. Si tu l'as oublié, tu es obligé de le faire. C'est-à-dire que celui qui voit que le Fatiha, c'est un pilier, si et qu'il doit même réciter le Fatiha, même lorsqu'il est derrière l'imam, s'il a oublié pendant un jour, il a oublié de réciter le Fatiha pendant que l'imam y récitait, lorsque l'imam y finit sa salat, il doit se lever et refaire un raka avec le Fatiha. Et le Fatiha, c'est un pilier. Ça, c'est pour ceux qui voient que le Fatiha, c'est un pilier qui doit être récité même derrière l'imam. On avait déjà abordé la divergence avant les vacances. On ne revient pas dessus après les vacances. Tayyib, Erkan ou Salat ? Combien ? 14. 14, 14. Takbiratul Ihram. Al-Fatiha. Al-Niyya Kharij. Summa Ma'ana. Et donc, Takbiratul Ihram, c'est le fait de dire Allahu Akbar au début de la prière. Ensuite, on a Al-Fatiha, comme il a dit. Et ensuite, on a Al-Rukur, l'inclinaison. Et ensuite, Al-Raf'u min Al-Rukur. Ensuite, non. Non. Al-Raf'u min Al-Rukur. Et ensuite, le sixième, Al-I'tidal. Al-I'tidal. Toi, tu as dit Al-I'tidal. Eux, ils ont dit Al-Raf'u min Al-Rukur. Et donc, on fait la différence entre que Al-Raf'u min Al-Rukur, le fait de se lever après. Donc, après l'inclinaison, et Al-I'tidal, le fait de rester bien droit après l'inclinaison. Et donc ça, ce sont deux ruknes différents. Ensuite, on a Al-Sujud, la prosternation. Ensuite, on a Al-Raf'u min Al-Sujud, le fait de se lever de la prosternation. Et après, on a Al-Jalsa, le fait de rester assis durant, donc entre les deux, Jalsa. Et ensuite, Sujoud. Non, on a déjà cité Sujoud. Quand tu dis Sujoud, ça compte pour tous les Sujoud qu'il y a dans la prière. Non, parce qu'à partir du moment où tu dis Sujoud, ça compte pour tous les Sujoud qu'il y a dans la prière. Et Tomanina. Donc le fait de prier en étant apaisé. Certains savants décrivent cela comme le fait que chaque membre de ton corps est bien placé. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire la prière de l'oiseau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Là, il n'y a pas de tomatnina. Essuie-glace. Non, on ne fait pas ça. La prière en 1 minute 30, il faut finir vite. Non. Parmi les piliers de la prière, on a et tomatnina. Ensuite, on a. Est-ce que tu peux venir? Tu commences, tu dis Allahu Akbar. سمي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الحمد لله رب العالمين ها ها الترتيب الترتيب ها non ça c'est ça fait partie des conditions de désablution. Nous on n'a pas parlé des conditions de désablution. Et donc الترتيب c'est-à-dire le fait de suivre un ordre spécifique. Quoi encore? Il y en a un qu'on a oublié. Je viens d'y penser maintenant. Grâce au shir, je viens d'y penser. Parce qu'il a dit Al-Qiyam. Le fait d'être debout. Ma'al-Qudra. Le fait d'être debout pendant la prière, ça fait partie des piliers. Des piliers de la prière. Ensuite, on a quoi encore comme pilier? Al-Tashahud. Taïb. Le problème, c'est qu'on a deux Tashahud. Lequel? Attends deux secondes. Hein? Al-Tashahud al-Awwal, Rukn? Non, Wajib. Al-Tashahud al-Awwal, Wajib, Al-Tashahud al-Thani, Rukn. Al-Tashahud al-Akhir. Le deuxième Tashahud, c'est un pilier. Le dernier, c'est un pilier. Wal-Julusula, le fait de s'asseoir pour le Tashahud, ça aussi, c'est un pilier. Et donc, avec ça, on a tous les piliers. Al-Thani ou l'Akhir? Ayoua, naam, naam, al-akhir. Al-akhir. Et donc, ensuite, naam. Al-qiyam. Les salats al-wajiba, al-mustahabba, al-wajiba. Al-wajiba. Et donc al-qiyam, comme on a dit, c'est pour les prières obligatoires. Le fait d'être debout, c'est un pilier pour les prières obligatoires, pas pour les prières surrogatoires. Les prières surrogatoires, tu peux rester donc assis. Et tout ça, c'est bien entendu avec la qudra, la capacité. Ensuite, pour finir, on a al-wajibat. On a al-wajibat. Les obligations. La différence entre les obligations et les piliers, premièrement, min al-furuq baynahuma, anna ar-rukn la budda minhu. Premièrement, c'est que le pilier, il est impératif que tu aies ce pilier. Comme on a dit, si tu n'as pas fait le pilier pendant la prière, à la fin de la prière, tu refais la rak'ah pour faire le pilier. L'obligation, tu n'es pas obligé de la refaire si tu l'as oublié. Tu n'es pas obligé de la refaire, cette obligation. Mais par contre, tu dois faire ce jour de sahou. Et c'est là qu'il faut que tu saches ce que tu as oublié. Est-ce que c'est un pilier ou c'est une obligation? Comme ça, lorsque tu arrives à la fin de ta prière, tu sais, est-ce que je dois refaire une unité de prière entièrement plus sujoud de sahou, ou alors je refais juste sujoud de sahou. Et donc il est important. Donc les obligations de la prière, et aussi, donc parmi les obligations de cette prière, on a la première obligation. Première obligation de la prière. Hein? Sunna. Raf al-yadayn, c'est une sunna. Hein? Fatiha, rukn, pilier. L'intention, c'est un pilier. Alors, takbira, on a dit takbira tel ihram, c'est un rukn, c'est un pilier. La niya, c'est l'intention, c'est un chart. Là, on commence à se mélanger là maintenant. Là, non, c'est dua al-istifna, al-istiftah, sunna. Là, ça commence à mélanger. Là, c'est là que tu vas dire, ah, j'aurais dû noter parce que là, on est tout mélangé. Tayyib. Et donc, les obligations, on a jami'u takbirat. Voilà. Et donc, on a jami'u takbirat. Toutes les takbirat, sauf takbiratul ihram. Le premier takbir que tu fais, takbiratul ihram, ça c'est un pilier. Tous les autres, c'est des obligations. Takbiratul al-intiqal. Ensuite, on a quoi? On a la parole Sami Allahu liman hamida. Et ensuite on a Rabbana wa lakal hamd. Ça c'est pour qui ça? C'est une obligation pour qui? On a vu une divergence. Ar-rajih qu'on a cité. Al munfarid wa al ma'mum. Rabbana wa lakal hamd. Ah, ma'mum. Al munfarid wa al ma'mum wa al imam. Al-Munfarid, Al-Ma'mum, Al-Imam. Al-Jami'a, tous ils disent Rabbana wa lakal hamd. Ça fait partie des wajibat. Hein? Al-Qawl. Al-Munfarid, c'est celui qui prie tout seul. Non. Voilà. Al-Munfarid, celui qui prie tout seul, excusez-moi. Et donc, celui qui prie tout seul, l'imam, et celui qui prie derrière l'imam, Al-Ma'mum. Tous ils doivent dire Rabbana wa lakal hamd. Ensuite, on a. On a oublié un. Subhana Rabbi al-Azim. On a Subhana Rabbi al-A'la. On a Rabbi Ghfirli. Et on a. Il nous en manque deux encore. Al-Tashahud al-Awwal. Il nous manque un. Un, et on a fini le cours d'aujourd'hui. Je vais pas vous le donner quand même, le dernier. Non. Ah, on a oublié Taslim tout à l'heure. On a oublié Taslim dans l'Arkan. Renoter Taslim dans l'Arkan. On a oublié. Et donc, il nous manque là aujourd'hui maintenant, c'est juste El Julus li Tashahud. El Awel. On fait la distinction entre le Tashahud lui-même et l'assise pour le Tashahud. Les deux sont des obligations pour la prière. Donc, on parle du premier Tashahud. Et donc là, on a vu les conditions de la prière, les piliers et les obligations. Il est important, les frères, important de faire la distinction entre tout cela. Pourquoi ? Parce que le jour où tu as un oubli, et ça arrive d'oublier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié, comme on le verra demain, la semaine prochaine, excusez-moi, demain il n'y a pas fait. Comme on le verra la semaine prochaine, inshallah, on verra si arrivé, le prophète il a oublié. Et donc nous aussi on peut oublier. Lorsque tu oublies, tu vas faire quoi ? Il faut que tu saches ce que tu as oublié, qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que tu dois faire ? Et donc il est important qu'on distingue. Shurut, les conditions, les piliers, les obligations, les mustahabbat. Vous avez vu parfois, alors que les actes surérogatoires, c'est plus facile. Les actes recommandés, c'est plus facile. Malgré ça, aujourd'hui, on s'est un peu mélangé. Parfois, on a cité des actes surérogatoires à la place des piliers ou des obligations. Et donc, c'est important qu'on fasse bien la distinction entre tout ça. Voilà pourquoi j'ai voulu, avant de rentrer dans le sujet de la prière de la distraction, faire de la prosternation de la distraction, faire une petite révision sur le sujet. Et la semaine prochaine, inshallah ta'ala, on commence donc à citer les hadiths que l'auteur, à voir les hadiths que l'auteur a cités dans le livre. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa arda wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.